Vincent Van Gogh par Gabriel Albert Aurier. Et voilà que tout à coup, dès la rentrée dans l'ignoble tohu-bohu boueux de la rue Sale et de la lettre virielle, éparpillés, chantèrent malgré moi ces bribes de verre en ma mémoire. L'enivrante monotonie du métal, du marbre et de l'eau, et tout, même la couleur noire, semblait fourbi, clair, irisé. Le liquide en chassait sa gloire dans le rayon cristallisé, et des cataractes pesantes, comme des rides de cristal, se suspendaient, éblouissantes, à des murailles de métal. Sous des ciels, tantôt taillés dans l'éblouissement des saphirs ou des turquoises, tantôt pétris de je ne sais quels soufres infernaux, chauds, délétères et aveuglants, sous des ciels pareils à des coulées de métaux et de cristaux en fusion, où parfois c'était irradié de torrides disques solaires, sous l'incessant et formidable ruissellement de toutes les lumières possibles, dans des atmosphères lourdes, flambantes, cuisantes, qui semblaient s'exhaler de fantastiques fournaises où se volatiliseraient des ors et des diamants et des gemmes singulières. C'est l'étalement inquiétant, troubleur, d'une étrange nature, à la fois vraiment vraie et quasiment supranaturelle, d'une nature excessive où tout être et chose, ombre et lumière, forme et couleur, se cabrent, se dresse en une volonté rageuse de hurler son essentielle et propre chanson sous le timbre le plus intense, le plus farouchement suraigu. Ce sont des arbres, tordus ainsi que des géants en bataille, proclamant du geste de leurs noueux bras qui menacent et du tragique envolement de leurs vertes crinières, leur puissance indomptable, l'orgueil de leur musculature, leur sève chaude comme du sang, leur éternel défi à l'ouragan, à la foudre, à la nature méchante. Ce sont des cyprès dressant leurs cauchemardantes silhouettes de flammes qui seraient noires. Des montagnes arquant des dos de mammouths ou de rhinocéros, des vergers blancs et roses et blonds, comme l'idée au rêve de vierge. Des maisons accroupies, se contorsionnant passionnément, ainsi que des êtres qui jouissent, qui souffrent, qui pensent. Des pierres, des terrains, des broussailles, des gazons, des jardins, des rivières, qu'on dirait sculptés en d'inconnus minéraux, polis, miroitants, irisés, féeriques. Ce sont de flamboyants paysages qui paraissent l'ébullition de multicolores émaux dans quelques diaboliques creusets d'alchimistes. Des frondaisons qu'on dirait de bronze antique, de cuivre neuf, de verre filé. Des parterres de fleurs qui sont moins des fleurs que de richissimes joailleries faites de rubis, d'agates, d'onyx, d'émeraudes, de corindons, de chrysobéryl, d'améthyste et de calcédoine. C'est l'universelle et folle et aveuglante coruscation des choses, c'est la matière, c'est la nature tout entière, tordue frénétiquement, paroxysée, montée au comble de l'exacerbation. C'est la forme devenant le cauchemar, la couleur devenant flamme, lave et pierrerie, la lumière se faisant incendie, la fièvre, fièvre chaude. Telle est non point exagérée, bien qu'on puisse penser, l'impression que laisse en la rétine le premier regard des œuvres étranges, intensives et fiévreuses de Vincent Van Gogh, ce compatriote et non indigne descendant des vieux maîtres de Hollande. Oh, combien loin nous sommes, n'est-ce pas, du beau grand art ancien, très saint et très pondéré des Pays-Bas. Combien loin des Gérard Dow, des Albert Cuyp, des Terburg, des Metsu, des Peter de Hoog, des Van der Meer, des Van der Heyden et de leurs toiles charmeuses, un peu bourgeoise, tant patiemment soignée, tant flegmatiquement léchée, tant scrupuleusement minutieuse. Combien loin des beaux paysages, si sobres, si pondérés, si enveloppés toujours de douces et grises et indécises vapeurs, des Van der Heyden, des Berghem, des Van Ostade, des Potter, des Van Goyen, des Ruisdael, des Obema. Combien loin de l'un peu froide élégance des Bouvermans, de l'éternelle chandelle de Schalken, de la timide myopie, des fins pinceaux et de la loupe du bon Pierre Slingeland. Combien loin des délicates couleurs toujours un peu nuageuses et brumeuses des pays du Nord et des inlassables pignochements de ces bien portants artistes, de là-bas et d'autrefois, qui peignaient dans leurs poils, l'esprit très calme, les pieds chauds et la panse pleine de bière. Et combien loin de cet art très honnête, très consciencieux, très scrupuleux, très protestant, très républicain, très génialement banal de ces incomparables vieux maîtres qui avaient le seul tort, et ce fut un tort pour eux, d'être tous pères de famille et bourgmestres. Et pourtant qu'on ne s'y trompe pas, Vincent Van Gogh n'est point en dehors de sa race. Il a subi les inéluctables lois ataviques. Il est bien éduquement hollandais, de la sublime lignée de Frans Hals. Et d'abord, en effet, comme tous ses illustres compatriotes, c'est un réaliste dans toute la force du terme. Ars est homo, aditus naturae, a dit le chancelier Bacon, et M. Émile Zola a défini le naturalisme, la nature vue à travers un tempérament. Or, c'est cet homo aditus, c'est cet à travers un tempérament, c'est ce moulage de l'objectif, toujours un, dans des subjectifs, toujours divers, qui complique la question et supprime la possibilité de tout irréfragable critérium des degrés de sincérité de l'artiste. Le critique en est donc fatalement réduit, pour cette détermination, à des inductions plus ou moins hypothétiques, mais toujours contestables. Néanmoins, j'estime que dans le cas de Vincent Van Gogh, malgré la parfois déroutante étrangeté de ses œuvres, il est difficile, pour qui veut être impartial et pour qui sait regarder, de nier ou de contester la véracité naïve de son art, d'ingénuité de sa vision, indépendamment, en effet, de cet indéfinissable parfum de bonne foi et de vraiment vue qu'exhalent tous ses tableaux, le choix des sujets, le rapport constant des plus excessives notes, la conscience d'étude des caractères, la continuelle recherche du signe essentiel de chaque chose, mille significatifs détails, nous affirme irrécusablement sa profonde et presque enfantine sincérité, son grand amour de la nature et du vrai, de son vrai à lui. Il nous est donc permis, ceci admis, de légitimement induire des œuvres même de Vincent Van Gogh, à son tempérament d'homme, ou plutôt d'artiste, induction qu'il me serait possible, si je le voulais, de corroborer par des faits biographiques. Ce qui particularise son œuvre entière, c'est l'excès. L'excès en la force, l'excès en la nervosité, la violence en l'expression. Dans sa catégorique affirmation du caractère des choses, dans sa souvent téméraire simplification des formes, dans son insolence à fixer le soleil face à face, dans la fougue véhémente de son dessin et de sa couleur, jusque dans les moindres particularités de sa technique, se révèle un puissant, un mâle, un oseur, très souvent brutal et parfois ingénument délicat. Et de plus, cela se devine aux outrances quasiment orgiaques de tout ce qu'il a peint. C'est un exalté, ennemi des sobriétés bourgeoises et des minuties, une sorte de géant ivre, plus apte à des remuements de montagne qu'à manier des bibelots d'étagères, un cerveau en ébullition, déversant sa lave dans tous les ravins de l'art, irrésistiblement, un terrible et affolé génie, sublime souvent, grotesque quelquefois, toujours relevant presque de la pathologie. Enfin et surtout, c'est un hyperesthésique, nettement symptomatisé, percevant avec des intensités anormales, peut-être même douloureuses, les imperceptibles et secrets caractères des lignes et des formes, mais plus encore les couleurs, les lumières, les nuances invisibles aux prunelles saines, les magiques irisations des ombres. Et voilà pourquoi son réalisme à lui, le névrosé, et voilà pourquoi sa sincérité et sa vérité sont si différents du réalisme, de la sincérité et de la vérité de ces grands petits bourgeois de Hollande, si sains de corps, eux, si bien équilibrés d'âme, qui furent ses ancêtres et ses maîtres. Au reste, ce respect et cet amour de la réalité des choses ne suffisent point seuls à expliquer et à caractériser l'art profond, complexe, très à part de Vincent Van Gogh. Sans doute, comme tous les peintres de sa race, il est très conscient de la matière, de son importance et de sa beauté, mais aussi, le plus souvent, cette enchanteresse matière, il ne la considère que comme une sorte de merveilleux langage destiné à traduire l'idée. C'est presque toujours un symboliste. Non point, je le sais, un symboliste à la manière des primitifs italiens, ces mystiques qui éprouvaient à peine le besoin de désimmatérialiser leurs rêves, mais un symboliste sentant la continuelle nécessité de revêtir ses idées de formes précises, pondérables, tangibles, d'enveloppes intensément charnelles et matérielles. Dans presque toutes ses toiles, sous cette enveloppe morphique, sous cette chair très chère, sous cette matière très matière, gît, pour l'esprit qui sait l'y voir, une pensée, une idée, et cette idée essentiel substratum de l'œuvre, en est en même temps la cause efficiente et finale. Quant aux brillantes et éclatantes symphonies de couleurs et de lignes, quelle que soit leur importance pour le peintre, elles ne sont dans son travail que de simples moyens expressifs, que de simples procédés de symbolisation. Si l'on refusait en effet d'admettre sous cet art naturaliste l'existence de ces tendances idéalistes, une grande part de l'œuvre que nous étudions demeurait fort incompréhensible. Comment expliquerait-on par exemple le semeur, cet auguste et troublant semeur, ce rustre au front brutalement génial, ressemblant parfois et lointainement à l'artiste lui-même, dont la silhouette, la geste et le travail ont toujours obsédé Vincent Van Gogh, et qu'il peignit et repeignit si souvent, tantôt sous des ciels rubescents de couchant, tantôt dans la poudre d'or des midis embrasés, si l'on ne veut songer à cette idée fixe qui hante sa cervelle de l'actuelle nécessité de la venue d'un homme, d'un messie, semeur de vérité, qui régénérerait la décrépitude de notre art et peut-être de notre imbécile et industrialiste société. Et aussi, cette obsédante passion pour le disque solaire qu'il aime à faire rutiler dans l'embrasement de ses ciels, et en même temps, pour cet autre soleil, pour cet astre végétal, le somptueux tournesol qu'il répète sans se lasser en monomane, comment l'expliquer si l'on refuse d'admettre sa persistante préoccupation de quelques vagues et glorieuses allégories héliomythiques. Vincent Van Gogh, en effet, n'est pas seulement un grand peintre, enthousiaste de son art, de sa palette et de la nature, c'est encore un rêveur, un croyant exalté, un dévoreur de belles utopies, vivant d'idées et de songes. Longtemps, il s'est complu à imaginer une rénovation d'art, possible par un déplacement de civilisation, un art des régions tropicales, les peuples réclamant impérieusement des œuvres correspondant aux nouveaux milieux habités, les peintres se trouvant face à face avec une nature jusqu'alors inconnue, formidablement lumineuse, s'avouant enfin l'impuissance des vieux trucs d'école, et se mettant à chercher, naïvement, la candide traduction de toutes ces neuves sensations. N'eût-il pas été en effet, lui, l'intense et fantastique coloriste broyeur d'or et de pierreries, le très digne peintre, plutôt que les Guillaumet, que les Fadas Fromentins et que les boueux Jérôme, de ces pays des resplendissances, des fulgurants soleils et des couleurs qui aveuglent. Puis, comme conséquence de cette conviction du besoin de tout recommencer en art, il eut et longtemps il caressa l'idée d'inventer une peinture très simple, populaire, quasiment enfantine, capable d'émouvoir les humbles qui ne raffinent point, et d'être comprise par les plus naïfs des pauvres d'esprit. La berceuse, cette gigantesque et géniale image d'Épinal, qu'il a répétée avec de curieuses variantes plusieurs fois, le portrait du flegmatique et indescriptiblement jubilant employé des postes, le pont-levis, si crûment lumineux et si exquisément banal, l'ingénue fillette à la rose, le zouave, la provençale, indiquent, avec la plus grande netteté, cette tendance vers la simplification de l'art, qu'on retrouve d'ailleurs, plus ou moins, dans toute son œuvre, et qui ne me paraît point si absurde ni si mésestimable en ces temps de complications à outrance, de myopie et de maladroite analyse. Toutes ces théories, toutes ces espérances de Vincent Van Gogh sont-elles pratiques? N'en sont-elles point de vaines et belles chimères? Qui le sait? En tout cas, je n'ai point à l'examiner ici. Il me suffira, pour terminer d'à peu près caractériser ce curieux esprit si en dehors de tout banal sentier, de dire quelques mots sur sa technique. Le côté externe et matériel de sa peinture est en absolue corrélation avec son tempérament d'artiste. Dans toutes ses œuvres, l'exécution est vigoureuse, exaltée, brutale, intensive. Son dessin, rageur, puissant, souvent maladroit et quelque peu lourd, exagère le caractère, simplifie, saute en maître, en vainqueur, par-dessus le détail, atteint la magistrale synthèse, le grand style quelquefois, mais non point toujours. Sa couleur, nous la connaissons déjà. Elle est invraisemblablement éblouissante. Il est, que je sache, le seul peintre qui perçoive le chromatisme des choses avec cette intensité, avec cette qualité métallique, jamique. Ses recherches de coloration d'ombre, d'influence de ton sur ton, de pleins ensoleillements sont des plus curieuses. Il ne sait pas toujours éviter pourtant certaines crudités désagréables, certaines inharmonies, certaines dissonances. Quant à sa facture proprement dite, à ses immédiats procédés d'enluminer la toile, ils sont, ainsi que tout le reste de ce qui est lui, fougueux, très puissant et très nerveux. Sa brosse opère par énormes empattements de tons très purs, par traînées incurvées, rompues de touches rectilignes, par entassements, parfois maladroits, d'une très rutilante maçonnerie, et tout cela donne à certaines de ses toiles l'apparence solide d'éblouissantes murailles faites de cristaux et de soleil. Ce robuste et vrai artiste, trait de race, aux mains brutales de géant, aux nervosités de femme hystérique, à l'âme d'illuminé, si original et si à part au milieu de notre piteux art d'aujourd'hui, connaîtra-t-il un jour, tout est possible, les joies de la réhabilitation, les cajoleries repenties de la vogue? Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, quand bien même la mode viendrait de payer ses toiles, ce qui est peu probable, au prix des petites infamies de M. Meissonnier, je ne pense pas que beaucoup de sincérité puisse jamais entrer en cette tardive admiration du gros public. Vincent Van Gogh est à la fois trop simple et trop subtil pour l'esprit bourgeois contemporain. Il ne sera jamais pleinement compris que de ses frères, les artistes, très artistes, et des heureux du petit peuple, du tout petit peuple, qui auront par hasard échappé aux bienfaisants enseignements de la laïque. C'était Vincent Van Gogh, par Gabriel Albert Aurier.